Les participants à la marche en vélo pour la réunification ont adressé le Saint-Coran une lettre au maréchal Kim Jong-un. La lettre indique notamment « À l'occasion du 9e anniversaire de la publication de l'historique déclaration du 4 octobre, a eu lieu fructueusement la marche en vélo pour la réunification du comité préparatoire de la région chinoise pour la conférence des organisations politiques et sociales et des personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne. Bien que le séjour dans la patrie ait été court, nous avons constaté de nos propres yeux la réalité exaltante de notre patrie qui édifie une puissance socialiste en portant la bannière de la capacité de se renforcer soi-même sous votre direction clairvoyante. Et nous nous sommes convaincus que l'avenir de 80 millions de Coréens est radieux et prometteur grâce à vous, père affectueux qui aime le plus au monde la patrie et le peuple. » Nous souhaitons santé au maréchal Kim Jong-un pour la réunification de la patrie, vœu suprême de la nation, et pour l'avenir radieux d'une puissance Paektusan réunifiée, où 80 millions de Coréens vivront ensemble.